Valérie Levée au microphone de Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Combien de fois ai-je prononcé cette phrase, cette expression sur les ondes de CKRL au 89.1? Et pendant que je suis au microphone, Marie-Claude Dionne est à la mise en onde et nous parlons toujours de mise en onde sans jamais parler des ondes. Alors, des ondes proprement dites, vais-je y arriver? Eh bien, nous allons corriger le tir avec Jean-René Roy, qui est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, il est bon d'être de retour à l'émission. Oui, ben Jean-René, donc avec les ondes CKRL, j'ai fait allusion aux ondes radio, mais il y a d'autres types d'ondes, il y a peut-être des ondes d'ailleurs plus simples pour rentrer dans ce vaste sujet des ondes. Les ondes, en fait, c'est un phénomène fondamental en physique et qui se répercute dans d'autres domaines comme l'astrophysique et la géophysique. Et c'est simplement de l'énergie qui se propage dans un milieu, dans le vide, sous forme oscillatoire, c'est-à-dire que quand cette énergie frappe quelque chose, entre guillemets, le quelque chose se met à bouger pendant une certaine période de temps qui correspond au passage de cette énergie. Les exemples les plus simples qu'on connaît, ce sont les ondes mécaniques, entre autres, vous tirez un caillou dans l'eau. La surface de l'eau se met à osciller d'une façon oscillatoire et pour finalement se dissiper au fur et à mesure que l'énergie se disperse sur une plus grande surface et aussi au niveau microscopique, cette énergie s'atténue. Vous faites vibrer la surface d'un tambour. Là, le tambour se met à vibrer, émet un son. Et là, la vibration de la surface du tambour, c'est une onde dans le matériau de la peau du tambour. Ouais. Mais le son que vous entendez, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une onde de compression. C'est l'air qui, finalement, vient vers vous un peu plus vite et qui se raréfie légèrement. Donc, il y a une onde de compression qui est complètement différente. Tandis et qui frappe ensuite les osselets dans notre oreille. Exactement, que nous, on perçoit. Mais l'onde à la surface du tambour ou l'onde qui est le nom d'une corde d'un violon ou d'un autre instrument à cordes, entre guillemets, elle aurait lieu dans un espace où il n'y a pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de son. Mais le tambour vibrerait, la corde du violon vibrerait, mais nous, on n'entendra pas. Donc, on voit tout de suite la distinction ici de deux manifestations de l'onde. Parce qu'il y en a une qui est donc dans un milieu solide et puis qui est transmise ensuite dans un milieu qui se compresse, gazeux qui se compresse. Les deux types d'ondes sont différents. On va parler dans le cas le plus facile, c'est la corde vibrante d'un violon qui est finalement l'énergie, l'oscillation se propage d'un bout de la corde à l'autre. Et la corde vibre transversalement à la propagation. Oui. Dans le son qui se propage dans toutes les directions, lui, il est omnidirectionnel, l'onde se propage radialement. C'est comme une espèce de pulsion radiale de compression et de raréfaction de l'air. Et cette vitesse-là sera proportionnelle. La vitesse de propagation des ondes va dépendre des milieux aussi. Mais il y a quelque chose, sans faire de jeu de mots, qui reste encore un peu vague à propos de ces ondes, en tout cas pour moi. Vous avez parlé d'énergie, ça transporte l'énergie. Donc absolument. Là, on parle de quelle énergie au fur et à mesure que dans ces différents milieux, comment ça se transmet? C'est l'énergie que vous avez, d'abord, c'est vous qui devez faire un effort pour faire vibrer la corde. Donc, c'est l'énergie que votre corps a ou que d'autres mécanismes. Et là, cette énergie-là est partie. Elle se propage, entre guillemets, dans le milieu et elle s'atténue, comme je l'ai dit tantôt, avec la distance. Mais dans ce cas-ci, c'est de l'énergie mécanique. Oui. Tout simplement. Donc, et plus vous allez mettre de force, plus l'onde va être grande, plus le caillou que vous allez tirer, plus l'amplitude de l'onde va être différente. Sa vitesse va toujours rester la même, sa vitesse de propagation. Donc, faites attention, parce que l'onde est toujours un phénomène qui correspond à une perturbation mineure, d'où la beauté des traitements mathématiques qu'on peut effectuer. Si vous injecter une énergie colossale, comme si vous prenez une masse pour frapper votre tambour, la peau va éclater. Donc, vous n'êtes plus dans le cas de perturbation mineure, entre guillemets. Et mathématiquement, vous allez devoir utiliser d'autres types d'équations pour traiter ce genre de phénomène. Mais là, donc, je reviens donc à la peau de tambour qui est frappée. Donc, il y a un choc et donc il y a une énergie mécanique qui est transmise ensuite à l'air. Et dans l'air, on parle de quel type d'énergie? C'est simplement, c'est de l'énergie mécanique. C'est de l'énergie mécanique. Même si c'est l'air qui se compresse, qui se... Exactement, c'est toujours de l'énergie mécanique. Mais cette énergie mécanique de compression, raréfaction, rapide, dépendant de la fréquence, va correspondre à des sons très graves, par exemple, mm-hmm. si c'est de l'ordre de 5 Hz ou 5 oscillations par seconde, qui à peu près sont très, très graves, et aux sons les plus aigus que nous pouvons entendre, qui sont dans les mm-hmm. ultrasons, qui sont peut-être de l'ordre de plusieurs kilohertz. Mm-hmm. Et là, la sensibilité de l'oreille varie et diminue avec l'âge. Et quand on parle des ondes sismiques, quand il y a un tremblement de terre et des ondes sismiques, est-ce que ce sont encore des ondes mécaniques? Ce sont des ondes mécaniques. C'est de l'énergie engendrée par un décrochage de la croûte terrestre mm-hmm. à un point du globe qui, finalement, va se propager un peu comme la peau ou la membrane du tambour va vibrer. Et là, c'est plus complexe. Dans le cas d'un tremblement de terre, il va y avoir deux types d'ondes. Il y a une onde P qui se propage le plus rapidement, qui est un peu comme un impact, qui est un peu comme une onde sonore. Et une onde qui suit plus lentement après, qui est un peu la vibration comme mm-hmm. le long de la corde ou la surface du tambour. Donc, ayant vécu au Chili, où il y a souvent des tremblements de terre, et quand arrivait l'onde P, tout de suite, c'est comme si quelqu'un avait échappé un gros bloc dans la rue à l'avant. Donc, mais tout de suite, bon, les chiens se mettent à japper, et vous mettez tout de suite à l'attention, vous avez quelques secondes, et vous sentez si ça va être un tremblement de terre très, très fort immédiatement. Ah oui? Et là, c'est le temps de courir à l'extérieur, si c'est possible, et de trouver le coin dans l'édifice ou sous le cadre de porte approprié. Est-ce que c'est indiqué dans les édifices? Ça devient instinctif. D'ailleurs, je me souviens quand après le Chili, on arrivait à Washington, moi je regardais chaque édifice, chaque pièce où était, ce serait probablement un bon endroit et il n'y avait pas de problème là. Et à Hawaï, est-ce que c'était la même chose? Oui, mais la fréquence des tremblements de terre à Hawaï est beaucoup moins L'énergie grande. L'énergie est libérée autrement. Oui, mais c'est quelque chose. Donc, le tremblement de terre est un autre type d'onde mécanique. Mm-hmm. Et en plus, il peut y avoir une onde colossale qui est dégagée à la surface des océans. Le tsunami. Oui, voilà, c'est là que je voulais en venir aussi. Qui est une onde qui, dans l'océan, correspond finalement, qui est engendrée par un déplacement de grandes masses d'eau dû au décrochage des plaques sous-marines. Et là, c'est une onde de très grande longueur d'onde qui mesure des kilomètres et des kilomètres et dont l'amplitude en mer n'est que de l'ordre d'un mètre. Mm-hmm. Sauf que c'est un mètre de plus d'eau sur des centaines de kilomètres. Quand ça arrive au rivage, un mètre s'empile pour former les fameux tsunamis qu'on a connus dans les années récentes. Ouais, parce que là, dans le cas du tsunami, il y a une vague. Il y a plusieurs vagues qui arrivent. Le cycle de tsunami peut avoir une douzaine de vagues. Oui. D'accord. Donc là, on a parlé des ondes mécaniques, mais maintenant, j'aimerais qu'on en vienne aux ondes hertziennes, aux ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, dont fait partie la lumière. C'est ça. Ouais. Et puis là, justement, quand on parle des couleurs, on dit que c'est associé, que chaque couleur est associée à une longueur d'onde. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça et comment est-ce qu'on intègre ça dans tout l'ensemble des ondes électromagnétiques? Donc, en fait, l'ensemble des ondes électromagnétiques sont toutes de même nature. C'est la propagation d'une oscillation électromagnétique. Donc, c'est-à-dire, localement, il y a le passage d'une variation de champ électrique et du champ magnétique aussi. Les deux sont combinés. Et qui, finalement, s'il y a quelque chose qui est sensible à l'électricité, au magnétisme, va bouger, comme le bouchon bouge sur l'eau. Et ça produit, nous, on a toutes sortes on a nos yeux, nos rétines qui sont sensibles et il y a certaines petites molécules qui vont être sensibles à ces déplacements provoqués par l'arrivée de ce champ électrique produit associé à la lumière, par exemple. Et la même chose pour les rayons X, pour les rayons gamma. Mais la grande différence, il y a deux différences fondamentales. D'abord, c'est une onde transversale, comme l'onde qui se propage le long sur une corde, exactement. Deuxième chose, cette onde se propage dans le vide. Contrairement aux ondes mécaniques, elles n'ont pas besoin de support matériel pour se propager. C'est pratique, d'ailleurs. Oui. Sinon, on serait dans le noir. Et ce qui fait aussi que la vitesse des ondes électromagnétiques, elle est de l'ordre d'un million de fois plus grande que les ondes sonores, par exemple, qui, à température de la pièce, la vitesse des ondes sonores est proportionnelle à la température. Plus la température est élevée, plus la vitesse des ondes sonores serait élevée. Mm-hmm. Donc, les ondes sonores se propagent à peu près à 300 mètres par seconde. D'où l'éclair qu'on voit rapidement, plus rapidement que le son du tonnerre qu'on entend beaucoup plus tard. Ouais. Et la lumière se propage à 300 millions de mètres par seconde, donc 1 million de fois plus rapide. Mais ce sont des phénomènes physiques complètement différents, mais le traitement mathématique qu'on peut appliquer est toujours un peu le même. Les équations mathématiques sont les mêmes, sauf qu'on a affaire à des forces électriques et magnétiques plutôt qu'à des forces mécaniques et de tension mécanique et de résistance mécanique. Mm-hmm. J'en reviens à notre fameux 89.1. Oui. C'est une onde électromagnétique, c'est une onde radio. Absolument, elle est donc dans c'est une micro-onde. Donc c'est des micro-ondes comme celles que vous avez dans votre four à micro-ondes. C'est une onde, mais c'est pas ça qui fait... Donc nous, on parle. Voilà. On génère une onde de compression. Qui arrive sur un petit diaphragme ici dans le microphone et qui fait vibrer un genre de piézoélectrique. Je ne connais pas tout à fait le système. Et là, vous générez un signal électrique. Ce signal électrique est pris en quelque part et il est envoyé dans votre antenne de diffusion qui a un certain nombre de kilowatts. Et à ce moment-là, c'est un codage de notre son, mais l'onde qui est propagée, elle est une onde électromagnétique qui voyage à la vitesse de la lumière, donc à 300 millions de mètres par seconde. Mais je trouvais ça intéressant justement parce qu'on a une onde, on parle, donc c'est une onde mécanique, l'air se comprime, se décomprime et est transféré dans notre micro. Finalement, ce mouvement-là est transféré d'une certaine façon, transformé en onde électromagnétique. Et dans votre appareil à la et maison. Et dans le récepteur aussi. Et dans le récepteur, c'est le décodage qui se fait à l'inverse. Le petit piezo reçoit ce signal électrique et anime une membrane qui fait des ondes de compression sonore que vous allez entendre sous forme d'ondes sonores. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que les gens ont tendance à confondre. Oui. C'est pas du son qui se propage, là. La fréquence de micro-ondes, si vous étiez sur la Lune, vous syntonisez, il n'y a pas d'air entre la Terre et la Lune. Mm-hmm. Si vous syntonisez 89.1, vous allez entendre ça, à condition que vous soyez dans une bulle avec de l'air. Oui. Mais c'est toujours assez difficile à se représenter aussi pour les non-initiés de la physique que les ondes, que la lumière, le son, les micro-ondes dans le four, tout ça, ça appartient au même domaine d'ondes. Non, pas le son. Les ondes radio, c'est ça. La lumière, les ondes radio, les rayons X, les rayons ultraviolets, tout, c'est simplement des façons qu'on catégorise les différents domaines du spectre électromagnétique. C'est ça. Surtout en raison que pour les détecter et les mesurer, il faut prendre des systèmes de matière différents. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, après, c'est traduit en lumière ou en son. Mais c'est une grande famille des ondes électromagnétiques. Et aussi, on peut, comme on vient de le montrer, en expliquant comment fonctionne 89,1 comme toutes les autres stations, qu'il y a propagation de ce signal dans l'espace à la vitesse de la lumière. Ou si vous écoutez sur Internet, la propagation se fait probablement au moyen d'un câble de communication, de cuivre, ou encore plus effectivement à travers une fibre optique qui est à la vitesse de la lumière. Et est-ce que le signal électrique qui voyage entre le microphone et l'antenne, est-ce qu'on peut considérer ça comme une onde aussi? Oui, c'est une onde, absolument. C'est une impulsion variable. Donc, c'est quelque chose... Quand vous avez quelque chose qui varie et que vous faites simplement le déclencher, il se propage dans un conducteur. Okay. Donc, il y a un conducteur ici. Et dans l'espace, d'autre part, l'onde se propage dans le vide. L'atmosphère, entre guillemets, est transparente, ce qui peut bloquer une onde électromagnétique, ce qui est le problème des fréquences dites AM, d'amplitude de modulation, c'est que l'ionosphère, la haute couche de l'atmosphère, elle est conductrice électriquement par les rayons ultraviolets du soleil qui rendent les atomes qu'on appelle ionisés, donc ils deviennent, et ça fournit comme un écran. Donc électrique. Et d'ailleurs, on utilisait ce phénomène-là pour propager des ondes par rebondissement. Des ondes courtes. Des radios courtes. Ouais, pour les propager. Et pour C'est toujours à la vitesse de la lumière. Et pour en revenir donc à la notion qu'on a introduite au tout début de transport d'énergie, donc dans toute cette chaîne de transmission de l'onde donc électromagnétique et ensuite en onde sonore, elle est où l'énergie? Elle devient quoi? Qu'est-ce qui est l'énergie? Elle devient quoi? C'est de l'énergie, c'est un champ électrique. Ouais. Donc, c'est comme si, en fait, techniquement, vous pourriez prendre un choc électrique, mais le signal est tellement faible, mais on n'a pas besoin de beaucoup, un signal très, très fort pour ça. Donc, il y a quand même moyen d'utiliser une puissance en micro-ondes considérable pour créer du piratage, entre guillemets. Par exemple, à l'heure actuelle, on développe, vous pensez aux drones, donc des drones, n'importe qui fait des drones et n'importe quoi, mais on a développé, par exemple, un fusil pour abattre des drones. Mm-hmm. Et c'est un fusil, c'est un faisceau de micro-ondes très intense que vous pouvez tirer vers un drone. La distance n'est pas tellement grande, mais tout ce domaine, il y a tout un domaine d'armes électromagnétiques pour brouiller des ondes, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Donc, et là, ça fait appel à des faisceaux plus dirigés que l'antenne de CKRL, qui, elle, ne veut pas être dirigée, veut diffuser dans toutes les directions. Ouais. Comme des lasers, finalement. Un peu comme un laser, mais le phénomène n'est pas le phénomène laser. Ouais. Ben maintenant, on pourrait peut-être rentrer encore plus profondément dans la matière, parce que donc à l'intérieur de l'atome, où là aussi il y a des phénomènes ondulatoires. Ça, c'est la découverte du début du 20e siècle, dans les années 20, que d'abord, Einstein, en 1905, dit que le photon, la lumière, se comporte aussi comme une onde. Ouais. Mais plus tard, c'est repris par le physicien français Louis de Broglie, qui obtient un prix Nobel pour ça, qui dit que les particules subatomiques se comportent, ou atomiques, se comportent aussi comme des ondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une particule, que ce soit une balle que vous tirez, un obus que vous tirez, voyage en ligne droite. Et s'il frappe un obstacle, boum, il s'arrête, comme tel. Donc, en ligne droite, sauf qu'il faut obéir à la loi de gravité. Une onde, ça contourne les obstacles. Et ça fait toutes sortes de choses bizarres. Donc, si vous êtes derrière un poteau, vous allez entendre le son qui est émis par un musicien qui est à 50 mètres de là. Mais si une personne vous tire une balle de golf, le poteau va vous arrêter la balle. Mais au niveau subatomique, la balle de golf qui est subatomique va avoir des propriétés. Elle va pouvoir contourner le poteau, entre guillemets. Elle va pouvoir être reçue même si vous vous cachez derrière un mur. Donc, les particules au niveau atomique et subatomique se comportent comme particules et aussi comme des ondes. C'est cette dualité onde-particule qui est fondamentale à la physique quantique et au comportement de la matière à cette échelle-là qui est à la base de toute notre électronique. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler d'effet tunnel. Donc, c'est complètement relié à ça. C'est l'effet tunnel qui permet la désintégration radioactive des noyaux et aussi qui permet de faire la fusion des éléments légers à l'aide de particules qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour monter la côte et tomber dans le puits pour les retenir. Donc, c'est un niveau absolument fascinant et on utilise en gros un même schéma descripteur mathématique qu'on prend pour décrire la propagation des ondes. Quand c'est ça, ça ne va pas en ligne droite. Et aussi, si vous emmenez des ondes ensemble, elles vont interférer, c'est-à-dire qu'elles pourront s'amplifier ou s'annihiler l'une par rapport à l'autre si les maxima correspondent, elles s'amplifient. Et si un maxima correspond à un minima, elles vont en quelque sorte s'annihiler. Se soustraire. Elles vont faire, les particules au niveau subatomique vont faire toutes sortes de choses bizarres qu'on voit avec les ondes autour de nous. Et c'est à la base de toute l'électronique contemporaine. Mais on a du mal à s'en rendre compte, par exemple. Ah oui, on ne s'en rend pas compte, non, parce qu'il n'y a aucune manifestation. C'est ça. Aussi, D'ailleurs, on peut imaginer, je pense même qu'il y a eu certains essais un peu science-fiction qui ont été écrits pour décrire ce que serait notre monde, les comportements de la matière. Vous pouvez imaginer des voitures dans le trafic qui, finalement, pourraient arriver face à face, mais il y a un phénomène ondulatoire. Elles s'évitent automatiquement. Elles arrivent, elles se superposent, elles s'annihilent et tout. Et c'est fascinant ce qui se passe. Donc, la chose que je veux signaler, c'est que les ondes de matière, donc celles qui décrivent les phénomènes quantiques, sont d'une autre nature, mais la description mathématique est analogue à celle qu'on emploie pour décrire les ondes mécaniques, les ondes, surtout les ondes électromagnétiques. Et là, de quelle énergie s'agit-il? Quelle énergie? C'est l'énergie associée au mouvement de la particule. Ouais. Ouais. D'ailleurs, la longueur d'onde d'une onde de matière va être reliée à sa quantité de mouvement, au produit de sa masse et de sa vitesse. Ça, c'est la contribution absolument extraordinaire de Louis de Broglie. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire en sorte que ça va définir les niveaux d'orbite des électrons autour de... Donc, les orbites doivent correspondre à des nombres quantiques précis qui sont reliés à la longueur d'onde comme celle. Donc, la circonférence de l'orbite, pour simplifier, doit correspondre à un nombre entier de longueur d'onde de l'électron, longueur d'onde matérielle, pour rester stable. Et tout ça a aussi des applications en microscopie, parce que quand on parle d'effet tunnel, il me semble qu'on entend parler des microscopes à effet tunnel. Oui, donc c'est exactement ça. C'est un phénomène qui fait interagir des électrons, à haute énergie, avec des surfaces de matière et qui produisent, c'est comme de la lumière. Donc, les électrons vont prendre une direction, vont être réfléchis non pas par un obstacle solide, comme je prenais l'exemple d'une balle de golf qui frappe un mur, mais plutôt comme une onde qui arrive sur le rivage ou qui arrive devant une ouverture. Donc, l'onde va être déviée d'une certaine façon et... qui va être en relation avec la dimension de l'objet regardé ou l'objet observé ou l'objet bombardé. Ah oui, d'accord. Et ça permet de voir vraiment des choses infiniment petites, bien plus petites que ce qu'on peut voir en microscopie. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement, je parlais tantôt que la longueur d'onde de matière associée aux particules quantiques est associée à la quantité de mouvement. Plus la quantité de mouvement va être grande, plus la longueur d'onde produite ou qu'on va explorer va être petite. Et d'ailleurs, ça s'applique aux grands accélérateurs de particules. On parle de l'énergie des accélérateurs quand on fait collisionner des particules. Mais on pourrait voir ça à l'envers. C'est que on a de très, très grandes énergies. Donc, on a des longueurs d'onde très, très courtes. Donc, on sonde de la matière à des échelles d'autant plus petites que l'énergie des particules qu'on a accélérées et fait rentrer l'une dans l'autre, comme le grand collisionneur de Hadron, sont grandes. C'est un petit peu vertigineux, même, de penser tout ça. Oui, c'est vertigineux, mais c'est magnifique. Et puis on pourrait même prolonger donc ce vertige en parlant des ondes gravitationnelles. Ah non, on change encore. Parlant d'étourdissant, là, c'est probablement le plus étourdissant, c'est que l'onde gravitationnelle, elle est particulière de deux façons. D'abord, c'est l'espace. Et ça sort carrément des équations de la relativité générale. Et c'est quelque chose de très subtil. Subtil parce que ça prend de grandes énergies. Faut tirer des gros cailloux dans l'espace, entre guillemets, pour faire vibrer l'espace. Donc, entre autres, deux gros trous noirs qui se rendent l'un dans l'autre et tout d'un coup se volatilisent une grosse partie de leur masse. Et ces ondes se propagent aussi à la vitesse de la lumière. Donc, mais il y a une chose intrigante. L'onde, elle est transversale. Elle est plutôt comme une onde qui vibre perpendiculairement à la direction à la propagation de la direction, mais il y a aussi un mode de compression et de raréfaction. C'est compliqué, les ondes gravitationnelles. Mais en gros, pensez au fond que l'espace vibre comme lorsque un enfant saute sur la toile de la trampoline, sauf qu'on est en trois dimensions. Une chose remarquable, c'est pour les ondes électromagnétiques et les ondes de matière, il y a toujours une particule associée à l'onde, oui, qui est porteuse de l'onde. Oui. Donc, entre autres, les ondes électromagnétiques, c'est le photon. Oui. Donc, c'est la lumière, mais aussi un photon pour les rayons X. Pour les ondes gravitationnelles, une proposition des gens qui travaillent en quantique, c'est qu'il y a aussi un porteur de cette onde qu'on appelle le graviton. Mais on ne l'a pas trouvé. Ah, on ne l'a pas trouvé. Okay. Et justement, et on ne sait pas comment le trouver. Mm. On n'a aucune idée par rapport aux autres types d'ondes. On sait comment trouver quelque chose qui a un champ électromagnétique. Mais pourtant, on a détecté ces ondes. Non, mais on ne sait pas. Puis d'ailleurs, c'est une question que j'ai demandé à mon grand ami Rainer Weiss, prix Nobel de physique d'il y a un an, d'octobre, mm-hmm, que je rencontre régulièrement quand je vais à LIGO, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles. J'ai demandé à Rainer, puis les gravitons, il dit, Jean-René, on n'a aucune idée. Tant qu'on n'aura pas réussi à fusionner la théorie de la relativité générale avec la théorie de la physique quantique, ouais, c'est-à-dire la théorie qui décrit l'univers aux très grandes échelles et à celle qui décrit le microcosme. Ouais. Et tant qu'on n'aura pas une théorie unifiée de ça, on n'a aucune idée de ce qu'un graviton peut être et encore moins comment de ce qu'il faut chercher. Ouais. Ouais. Mais pourtant, on a quand même détecté ces ondes gravitationnelles. Oui, ah oui, absolument. Donc, mais à l'heure actuelle, on pourrait dire que on se fout un peu pour le moment de qu'il y ait graviton ou pas graviton. Einstein tient toujours le bout de la couverte bien solidement. Mais quand les deux trous noirs se rencontrent, oui, donc ce choc initial qui provoque cette onde, c'est quoi qui vibre dans l'espace? C'est l'espace, oui. En fait, c'est ça qui est difficile aussi à saisir. Oui, c'est ça, mais en fait, pensez-y tout simplement comme, bien naïvement, c'est pas complet, mais pensez-y comme une contraction et une dilatation infime, mm-hmm, qui se produit au passage d'onde gravitationnelle, tout comme l'onde qui se propage à la surface de l'eau va faire bouger le, oui, bouchon traditionnel du pêcheur, hop, qui monte, qui descend. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce vide interstellaire n'est pas vide. Il n'est pas vide. Donc, c'est exactement. C'est comme, imaginez, d'ailleurs, Einstein parlait de l'espace comme un mollusque. mais là, il faut faire attention, l'espace n'est pas un mollusque, mais de dire que l'espace n'était pas quelque chose d'absolu. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il a proposé une théorie de la gravitation où il fait courber l'espace en, mm-hmm, présence de masse. La masse courbe l'espace, d'autant plus que cette masse est grande et concentrée. Et cette courbure dit aux particules qui se propagent de combien il faut changer de direction, quelle courbe, mm-hmm, faut prendre. Mm-hmm. Donc, et c'est en plus, et c'est ça, dans le même exemple que le tambour qui est tendu, si on frappe légèrement, il va y avoir quelque chose qui va se propager, une petite vibration. Einstein a dit, bon, je fais courber l'espace, une certaine tension qui est créée par la présence de masse. Et il a dit que si je fais mathématiquement, je peut-être que je fais vibrer cet espace-là, qu'est-ce qui va se produire? Et là, c'était la confusion parce que la géométrie de l'espace est extrêmement complexe. Mm-hmm. Donc, même Einstein est probablement mort sans y croire trop, mm-hmm, que, ouais, ouais, c'était pas un truc mathématique qu'il, mm-hmm, avait mal maîtrisé. Et ça s'est réglé un peu plus tard et on a découvert finalement, après énormément d'efforts, les ondes gravitationnelles. Il y a à peu près, en fait, le premier signal enregistré, c'est septembre 2015. Donc, ça fait à peu près trois ans aujourd'hui. Ouais. Le papier a été publié en février 2016. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de tout ce phénomène juste, des ondes. J'espère que vous réalisez à quel point le monde des ondes est fascinant. Je pense que vous avez quand même provoqué une onde de compréhension dans notre cerveau. J'espère, mais en tout cas, sûrement un peu étourdissante. Alors, merci beaucoup, Jean-René. Donc, nous étions en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Restez donc sur nos ondes. On vous parle de la ruée vers l'or dans l'Antiquité.